Vous écoutez France Culture. Bonjour Marie-Hélène, le Salon Noir. Les archéologues publient-ils ? La réponse pourrait être toujours la même, oui, mais mal. Il faut toutefois aujourd'hui pondérer ces propos qui ne sont pas de moi. 4 livres viennent d'être salués par des prix. Alésia par l'Académie, le Rhinocéros d'Or, Grand Prix des rendez-vous de l'Histoire, Archéo-Animaux par le Goût des Sciences du ministère de la Recherche, enfin quand les archéologues redécouvrent Marseille par l'Académie de cette grande cité. Il faut dire que Marseille est la seule ville de France à pouvoir revendiquer 26 siècles d'histoire. Le Salon Noir ne pouvait donc que s'arrêter sur ce passé, l'occasion de rencontrer deux archéologues, Marc Bouilleron et Philippe Mélinan. L'entrée du Vieux-Port, c'est désormais le Mucem, c'est aussi le Fort Saint-Jean, sans oublier la commanderie des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui accueillait pèlerins et croisés en partance pour la Terre Sainte. Marc Bouilleron, l'histoire de Marseille ne serait donc pas que grecque ? Non, l'histoire de Marseille n'est pas que grecque, même si elle a connu une longue période, justement, durant l'Antiquité. Marseille est une ville qui resplendit encore à la fin de l'Antiquité, au Moyen-Âge, et qui, à l'époque moderne, va prendre un essor absolument considérable. Alors, quand on fouille une ville comme Marseille, Philippe Mélinan, qu'est-ce que l'on fouille en général ? Toute époque ou une époque particulière ? Alors, la particularité de Marseille, c'est bien entendu d'être une ville grecque, une des seules villes grecques de France. Mais Marseille a aussi la chance d'avoir un passé préhistorique, puisque tout le monde a entendu parler, en tout cas, de la grotte Cosquaire. Et nous avons des vestiges, certes moins anciens, mais qui se situent directement en centre-ville. Et l'archéologie marseillaise travaille également sur la période moderne, donc sur vraiment plusieurs millénaires. Alors oui, d'ailleurs, je crois qu'on a retrouvé l'ancrage à la Tour Saint-Jean qui bloquait le vieux port de Marseille. C'est bien ça ? C'est une découverte assez récente ? Oui, c'est une découverte récente lors des travaux d'aménagement là, autour du Mucem. Et on a retrouvé effectivement l'ancrage de cette chaîne qui avait été emportée par les Catalans en 1423 lorsqu'ils sont venus piller Marseille. Cette chaîne qui est toujours conservée dans la cathédrale de Valence et l'ancrage donc est symbolique de cette fortification du port de Marseille au Moyen-Âge. Alors Philippe Mélinan, vous le disiez, mais c'est une véritable tendance qui commence à pointer sous les villes de France. On sait désormais qu'à Paris, nous avons des sites préhistoriques, mais on en a aussi bien sûr à Lyon, à Montpellier, à Marseille, on en a trouvé. Effectivement. Alors pendant assez longtemps, Marseille, les origines de Marseille étaient grecques, bien entendu, et on avait quelques rares témoignages d'une occupation ou au moins d'une fréquentation des hommes antérieurs à la période grecque sur les pourtours de la Calanque. Donc quelques outils préhistoriques en pierre ou quelques fragments de céramique de l'âge du bronze qui étaient découverts de façon éparse. Et puis assez récemment, donc la découverte de la grotte Cosquaire dans les Calanques entre Marseille et Cassis, et plus récemment encore, lors de fouilles d'archéologie préventive, sur les pentes de la butte Saint-Charles, donc les découvertes de la fouine des Lecques, Bernard Dubois, etc. Donc des occupations qui remontent au 8e millénaire avant notre ère, donc à la fin du Mésolithique et Néolithique ancien, Cardial, etc. Alors là, on est sur les premiers agriculteurs qui arrivent, donc les sociétés cardiales. Un site très très intéressant, visiblement très compliqué à fouiller, mais où on aurait eu des traces de bâtiments en terre crue, c'est bien ça ? Alors, il faut se rappeler déjà qu'on est dans le cadre d'archéologie préventive au milieu urbain, donc que ce sont des sites qui ont été réoccupés durant des centaines d'années, voire des millénaires, qui sont extrêmement dérasés, qui ont été reconstruits, des bâtiments ont succédé à d'autres bâtiments, donc on a très souvent des vestiges qui sont extrêmement délicats à interpréter. Dans le cadre des occupations préhistoriques découvertes sur la butte Saint-Charles, l'une des particularités de ces sites est l'absence de meules et de toute trace qui pourrait directement être mise en lien avec une culture, quelle qu'elle soit. Et donc, on imagine que la fréquentation des lieux était essentiellement due à la proximité du rivage et aux ressources que les hommes préhistoriques pouvaient y trouver. Donc, vous avez trouvé quantité de coquillages. Voilà, alors quantité de coquillages, quantité de coquillages différents, donc de vrais amateurs de coquillages qui nichaient, qui logeaient sur les pentes de la butte Saint-Charles. Il faut savoir que la mer Méditerranée, et les mers plus généralement, sont dans un constant mouvement, c'est-à-dire que le niveau moyen de la mer a bougé depuis l'Antiquité et depuis la préhistoire, et que la calanque du Vieux-Port n'était pas une calanque lorsque les hommes préhistoriques habitaient sur les pentes de la butte Saint-Charles, mais que le rivage se situe à plusieurs kilomètres de là. 140 mètres de moins, c'est à peu près ça ? Alors 140 mètres de moins, je crois que c'est dans des périodes plus anciennes, donc notamment lors de l'occupation de la grotte Cosquer. Les calanques n'étaient pas des calanques en bord de mer, mais c'était vraiment des falaises au milieu d'un massif rocheux. Et il faut imaginer qu'elles surplombaient une vaste zone stépique qui se développait en contrebas. En tout cas, en plein cœur de Marseille, vous avez aussi trouvé des pommes de pin de l'âge du bronze, et cela sous la place Villeneuve d'Argemont. Oui, tout à fait. Alors là, c'est vraiment à proximité immédiate de l'hôtel de ville, hein, de la mairie actuelle, donc sur la rive nord de la calanque du Vieux-Port, une plage de l'âge du bronze qui est apparue au fond d'une fouille, relativement profondément, puisqu'on était à peu près à 9 mètres de profondeur, donc 9 mètres de stratigraphie, de niveau archéologique empilé. Et puis cette plage qui est apparue, donc une petite étendue de sable qui ne payait pas de mine, mais qui était recouverte de pommes de pin et de ramilles. Et alors la particularité des pommes de pin, c'est qu'elles réagissent à l'humidité, c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent et qu'elles se ferment en fonction du taux d'humidité. Donc cette plage qui datait approximativement de 800 avant notre ère, et bien les pommes de pin qu'on a découvertes se sont mises à s'ouvrir et à se fermer au rythme de la météo. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'un moment absolument magique. Anodin, mais complètement magique. Et c'est un peu comme les foyers préhistoriques que l'on fouille et où on sent encore l'odeur de la cendre chaude. C'est un peu ça. C'est des émotions que l'on a quand on est archéologue. Est-ce que l'on a un peu d'autres âges du bronze, âges du fer, un peu avant cette arrivée des Grecs de Phocée? Oui, alors tout à fait. Il y a une occupation durant l'âge du bronze, en tout cas, qui est attestée sur le territoire de Marseille, donc sur la commune actuelle de Marseille, mais pas en centre-ville. Pour l'instant, sur le centre-ville actuel, on connaît quelques découvertes de fragments de céramique. Il y a un énorme mât coquillé aussi qui a été découvert sur l'emplacement actuel de la rive nord du port, qui témoigne de ce ramassage, de cette consommation de coquillages durant des périodes relativement longues, puisque cet amas est vraiment très important. Mais nous n'avons pas les structures d'habitat associées à cette fréquentation. Donc des empilements de coquillages sur une berge comme ça, où les gens venaient systématiquement collecter des coquilles et les consommer? Alors oui, elles étaient consommées en tout cas ici, collectées non, puisque a priori ce sont des espèces qui vivent un peu plus profondément que ce que la calanque du Vieux-Port l'avait comme profondeur. Donc ce sont des espèces qui auraient été pêchées un peu plus au large, ramenées ici et consommées sur cet emplacement. Alors environ 600 avant notre ère, la Sidon devient grecque. La Gaule, ou du moins une minuscule enclave de la Gaule, rentre dans l'histoire, Marc Bouilleron. Oui, c'est un moment évidemment fondamental. Alors c'est une période, hein, c'est-à-dire que la fondation de Marseille accompagne finalement une colonisation d'extrême Occident par les Grecs, mais ils ne sont pas les seuls, hein, et probablement également les Étrusques, les Carthaginois également se développent le long de la côte ibérique. Mais c'est un moment effectivement important, parce que pour la première fois, on va avoir une cité qui va être fondée là, donc une colonie de fossés, et cette cité va avoir un développement hors du commun. C'est une chose qui est encore prégnante dans l'histoire pour les Marseillais ? Je pense que pour tout le monde, la cité phocéenne, c'est Marseille. Donc c'est effectivement quelque chose qui reste présent. Je ne pense pas que tous les Marseillais aient en tête l'histoire grecque de la ville, mais en tout cas, cette fondation, elle est rappelée régulièrement. Alors que sait-on sur cette époque très très ancienne, cette époque que l'on appelle la période archaïque normalement, donc à Marseille? Alors on en connaît plusieurs choses, mais ce sont des éléments vraiment très fragmentaires, puisqu'on restitue en tout cas approximativement l'étendue de la ville, on imagine à peu près le tracé des remparts durant la période archaïque. On imagine également que les lieux de culte, donc les temples, devaient se trouver sur les éminences, donc la butte des Moulins, la butte Saint-Jean, etc. On connaît certains secteurs d'habitat qui ont été fouillés. On connaît une partie du réseau de rues qui a été découvert et qui semble relativement régulier, mais les inconnues sont encore extrêmement importantes. Les temples, l'agora, tout ça est absolument encore inconnu. On peut penser que c'est encore sous les immeubles modernes de Marseille. Alors, on espère qu'une partie de ces éléments est encore sous les immeubles de Marseille. Marseille, depuis 2600 ans, s'est développée sur la même emprise, sur le même territoire. Donc, il y a beaucoup de chances pour qu'une grande partie, en tout cas, de ces éléments aient disparu à tout jamais, que les pierres aient été récupérées pour bâtir d'autres monuments et que l'ensemble ait été dérasé. Après, on espère toujours découvrir un monument emblématique de Marseille grecque. En tout cas, un bâtiment grec, vous en avez fouillé un beau, dans l'emprise d'un collège, et non pas n'importe quel collège, le collège Vieux-Port. Voilà, le collège Vieux-Port qui se trouve donc à l'entrée du port, en contrebas de l'église Saint-Laurent, à proximité du fort Saint-Jean. Cette fouille a été programmée puisqu'on se situe à proximité immédiate du théâtre romain, donc qu'on appelle théâtre grec, mais qui est d'époque augustienne, donc qui était un théâtre romain. Et cette fouille nous a permis de découvrir effectivement des vestiges archaïques extrêmement bien conservés, qui se développaient sur plusieurs mètres d'épaisseur, et qui sont actuellement interprétés comme un monument public. Alors ces vestiges étaient tellement bien conservés et tellement importants pour Marseille qu'ils ont été classés au titre des monuments historiques et que la fouille préventive a été interrompue. Alors nous avons donc une vision extrêmement partielle et on aimerait vraiment pouvoir reprendre cette fouille pour en savoir plus. On est en présence d'un monument public, mais on a encore beaucoup de mal à déterminer sa vocation exacte. Le premier bâtiment public découvert pour Marseille grecque, antique, vraiment ancien ? Le premier bâtiment d'ampleur peut-être. On connaît des éléments de bâtiments publics, notamment un énorme chapiteau qui a été découvert dans les années d'après-guerre, mais qui a été découvert hors de tout contexte, donc qui permet de restituer un temple à proximité immédiate sur les hauteurs. Mais des bâtiments en place, moi je n'en connais pas d'autres, non. Alors ce bâtiment, il se présentait comment ? J'étais passé à l'époque, il y a environ 7-8 ans, j'avais souvenir que vous aviez trouvé de la terre crue. Oui, tout à fait. Alors bon, c'est un chantier où se superposaient encore plusieurs siècles d'histoire, puisque le monument grec n'est pas venu se poser là, ex nihilo. Donc nous avions tout d'abord un réseau de rues qui a été installé au tout début du 6e siècle de notre ère, des maisons qui sont venues s'implanter, qui ont été construites à l'angle de ces rues, donc des maisons qui effectivement possédaient des élévations de murs en terre crue, en briques d'adobe, donc des briques formées de terre crue. Et puis cet ensemble a été dérasé au milieu du 6e siècle de notre ère, pour créer une plateforme et édifier par-dessus un monument imposant construit avec des blocs de grands appareils en calcaire cette fois. Alors j'ai souvenir aussi que le mobilier était tout à fait extraordinaire. On était en pleine Grèce. Vous aviez donc des figures rouges. J'ai souvenir même d'un petit tesson minuscule d'une main tenant une sorte de coupe à vin, donc visiblement de la vaisselle qui venait d'Athènes. C'est un peu le petit plaisir des fouilles au niveau grec, c'est qu'il y a la céramique attique figurée à figure noire ou à figure rouge. Il faut se faire plaisir. Voilà, qui est toujours très spectaculaire. Donc effectivement, les importations sont majoritairement de Grèce, donc que ce soit de la céramique attique, donc de la région d'Athènes, mais on a également des importations qui viennent de Corinthe ou qui viennent de Grèce de l'Est. Des fouilles autour du Vieux-Port, il y en a eu quand même beaucoup. On pense à Jules Verne, par exemple, ou autre. Est-ce que l'on aurait découvert des bateaux grecs ? Magouillon ? Des bateaux grecs, effectivement. Donc, place Jules Verne, c'était la fouille d'Antoinette Hénard, et des bateaux qui ont été retrouvés, comme ça, au fond de l'eau, de ce qui était le fond de l'eau. Des bateaux de la fin du VIe siècle, avant notre ère, et qui vont faire partie des collections du musée d'histoire qui va réouvrir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Des bateaux dont on peut penser qu'ils puissent appartenir au VIe siècle, des bateaux cousus, par exemple ? Ce sont des bateaux cousus, et alors il y a deux épaves, une petite et une grande, et un des bateaux a des techniques un peu mixtes qui montrent que justement on est en train de changer de mode de fabrication pour les bateaux, en passant de bateaux cousus, donc où les planches sont assemblées par des lanières, ensuite avec un système de tenons et mortaises qui est le mode de construction classique durant l'Antiquité. On a aussi visiblement des graffitis et des graffitis grecs, Philippe Mélinan. On a découvert deux épaves d'époque grecque archaïque et on a eu la chance de découvrir aussi des graffitis qui représentent des navires approximativement de la même époque et qui pourraient représenter des navires phocéens. Mais là, je vais peut-être laisser la parole à Marc Bouilleron qui a dirigé l'opération. Oui, ce sont des graffitis qui sont assez spectaculaires parce que conservés donc sur des, enfin, gravés sur des blocs de calcaire blanc qui appartenaient à un monument grec qui a été démonté, que l'on a retrouvé sur la fouille de l'Alcazar, et sur lequel donc on voit alors à la fois un personnage, on a un personnage de profil avec une main levée, et des graffitis de bateaux, et des bateaux qui sont représentés, et qui sont certainement des pentecôtères phocéennes, c'est-à-dire ces navires de guerre bien connus par les textes de l'époque et qui faisait finalement la suprématie maritime de la ville de Phocée. Donc c'est quelque chose de pratiquement d'unique et qui nous représente certainement les bateaux des premiers Grecs qui sont arrivés à Marseille. Alors, on sait bien sûr que Marseille est rattachée forcément à sa ville mère, qui est côté Asie mineure. Cette ville, en 546, s'effondre. Que devient dans ces cas-là Marseille, quasi autonome? Marseille d'abord reçoit un afflux de population, c'est-à-dire que les Phocéens quittent donc ce qui était la côte perse, hein, la côte d'Asie mineure, et vont venir dans les colonies phocéennes, à Velia, à Marseille. Et donc on pense, il est possible en tout cas, que ce qui permettait l'agrandissement de la ville a été cet afflux de population qui arrive à partir du milieu du 6e siècle avant notre ère. Et donc la ville devient finalement une cité qui elle-même va essaimer à son tour et qui va avoir une série de comptoirs, Agde, Antibes, etc. Donc ça devient une cité indépendante pratiquement, qui reste en lien de toute façon, parce que la ville de Phocée ne va pas totalement disparaître, hein, elle existe encore après au-delà, mais il est clair que du coup le rôle de la cité-mère est beaucoup moins important à partir de là. Et que sait-on sur les liens entre Marseille et sa population, et puis bien sûr la population à l'intérieur, côté Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont bien sûr encore totalement, je dirais, indigènes. Les conflits sont quelquefois assez violents. La légende de la fondation de Marseille veut que le roi indigène offre un territoire à son gendre pour créer la ville. Alors, bien entendu, c'est une vision peut-être un petit peu idéalisée de ce qui s'est passé réellement. Et très certainement, il y a eu des conflits nombreux entre les habitants, les autochtones, les habitants des contrées, et puis les nouveaux arrivants qui ont installé leur comptoir et qui, vraisemblablement, ont empiété sur les territoires déjà occupés. Maintenant, on connaît très peu à proximité de Marseille d'occupation qui soit contemporaine de la fondation de la ville. Donc on ne sait pas du tout si le territoire de la ville telle qu'elle a été créée au VIe siècle était occupé ou non par d'autres personnes. En tout cas, la force de Marseille, c'est quoi? C'est peut-être, bien sûr, de frapper monnaie avant tout le monde. C'est peut-être aussi, la vigne, le vin. La force de Marseille, c'est le commerce, que ce soit le commerce du vin, le commerce de la céramique, le commerce des métaux, puisque l'étain notamment transitait par Marseille. Marseille a frappé monnaie pour commercer, puisque les premières monnaies de Marseille, on en retrouve extrêmement peu dans les fouilles urbaines, et on en retrouve vraiment de façon plus fréquente à l'extérieur de la ville. Et puis, un des grands apports est l'apport de la culture de la vigne, qui est connue à partir du 5e ou du 4e siècle autour de Marseille, donc sur le territoire de la cité. En tout cas, en 49 avant notre ère, Marseille tombe aux mains de Rome, bien sûr. On ne sait visiblement pas grand-chose de ce siège césarien, peut-être hormis une tombe qui aurait été trouvée dans le quartier Sainte-Barbe. Alors, ce qu'on connaît du siège de César, on le connaît essentiellement par les écrits de César, donc qui sont évidemment très certainement assez partiales. Les traces archéologiques, effectivement, du siège sont très peu nombreuses. On a découvert quelques boulets en pierre dans des niveaux qui sont postérieurs au siège et qui pourraient provenir de ce siège, mais ce sont encore des hypothèses de travail et vraiment des traces attestées, on n'en connaît pas. Marc Bouilleron, le côté cosmopolite de Marseille, on le voit apparaître dès l'implantation des Grecs ou avec l'arrivée de Rome ou plus tard? Il a dû certainement être présent dès la fondation. J'ai souvenir que sur une des fouilles d'Îlot 55, là, dans le quartier du Panier, il y avait une zone qui avait été fouillée ou qui avait livré beaucoup de céramiques étrusques. Donc il est très probable que dès l'Antiquité, il y a des zones d'habitation qui sont peut-être réservées à soit des indigènes, soit des populations un petit peu extérieures qui ne sont pas forcément grecques. Mais ce côté cosmopolite, il subsiste à l'époque romaine. On a certainement une communauté chrétienne très tôt. Donc on est en lien avec l'Orient, on est en lien avec l'autre côté de la Méditerranée. Et ce rôle de port qu'a Marseille, et qu'on lui connaît encore de nos jours, finalement, et le ferment de cette population qui vient de tous les bords de la Méditerranée. Et est-ce que l'époque romaine, à partir de César, est un peu, on va dire, d'Auguste, dans les années moins 27-14 de notre ère, est une époque réellement importante ? C'est très important. La période césarienne, hormis le siège, n'a pas livré véritablement de vestiges. En revanche, tous les monuments que l'on voit se mettre en place, que ce soit le théâtre, que ce soit le forum, certainement, les thermes du port, donc sous la place Villeneuve-Bargemont, tous ces éléments-là datent de l'époque augustéenne. Et c'est vraiment le moment où la ville se transforme. On est dans une période de paix. Marseille en a fini avec ces histoires entre César et Pompée. Et on est dans la volonté de développer, et d'ailleurs Auguste envoie ses neveux ici à Marseille pour se former. Donc c'est une ville qui a un rôle important à ce moment-là. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'hellénisme perdure. On continue à faire du grec. On continue à faire du grec, on continue aussi à apprendre le grec, et les Romains venaient bien volontiers à Marseille pour apprendre le grec. Donc c'est une cité qui finalement est un peu perdue au sein de la Narbonnaise, mais qui garde quand même ses particularités, qui garde son côté grec. Dans l'Empire romain, c'est une cité fédérée, donc elle est censée ne pas avoir été véritablement intégrée à l'Empire, mais ce côté grec va rester, et on retrouve des inscriptions également en pleine période romaine qui sont toujours écrites en grec, donc qui montrent que durant toute l'Antiquité romaine, Marseille reste une ville grecque aussi. Et l'architecture ? Ce que l'on observe, c'est que la ville est romaine, d'un point de vue architectural, mais à l'époque d'Auguste, Vitruve mentionne encore le côté un petit peu austère des constructions à Marseille, qui rappelle justement ce que l'on observe en Asie mineure et dans le monde grec. Donc il y a certainement eu une tendance un petit peu à quelque chose d'assez simple dans les formes architecturales, mais malgré tout, on retrouve des monuments qui sont pleinement romains. Est-ce que le grand moment de l'Antiquité à Marseille, c'est justement pas l'Antiquité tardive, c'est-à-dire ce que l'on appelle le paléochrétien ? Allons, disons 5e, 6e siècle. Le 5e siècle est certainement, ça a été écrit, un âge d'or pour Marseille. Et Marseille a une communauté chrétienne qui est extrêmement importante, avec des personnages qui parfois viennent de loin, comme Cassien, ou on a Salvien également, donc qui sont des grands personnages qui vont fonder des monastères et qui christianisent véritablement la ville. La ville se transforme, la ville va finalement perdre ses monuments antiques, qui correspondent à une société qui est passée de mode, qui n'existe plus. On démantèle les temples, on démantèle le théâtre, donc énormément de monuments antiques qui sont détruits, mais à côté de ça, des construction nouvelle, la cathédrale autour de 400, donc une immense cathédrale, un baptistère qui est le plus grand des Gaules connus, des constructions de basiliques funéraires. Autour de la cité, on va construire des édifices religieux qui sont là pour honorer la mémoire de mort, des saints qui sont enterrés sur les zones de nécropole, qui sont toujours les zones de nécropole antiques. Et donc on va avoir comme ceci une espèce de couronne sacrée autour de Marseille. Donc on voit effectivement la cité se transformer. Les textes de cette époque aussi nous parlent de Marseille comme étant une cité vraiment très importante. Ça perdure encore au VIe siècle. Le rôle de port est là aussi au sein d'une Provence qui finalement est assez peu bouleversée par les invasions barbares. On n'est pas comme dans le nord de la France avec des cités qui déclinent rapidement. Au contraire, à partir du Ve siècle, on voit des faubourgs qui se développent à l'extérieur des murs. On sent que l'activité portuaire est extrêmement importante. Et donc une population et ce christianisme qui vraiment se matérialise dans ces monuments. Philippe Mélinan, récemment près de la Major, il y a une fouille où l'on aurait trouvé du paléochrétien, c'est bien ça ? Oui, aux abords immédiats de la cathédrale romane, qui se trouve elle-même sur la cathédrale paléochrétienne, a montré la présence d'une pièce avec un sol mosaïqué extrêmement bien conservé, quasiment unique pour Marseille, qui appartient à un ensemble architectural, à une construction relativement vaste, qui reprend approximativement le plan d'un bâtiment romain antérieur. Ce grand bâtiment est considéré actuellement comme une partie de la demeure épiscopale. Marc Bouilleron, une des grandes découvertes, ça a été sans nul doute le cimetière de Malaval, où l'on aurait fouillé deux saints. Alors c'est une basilique funéraire qui s'implante sur une zone de cimetière antique, de nécropole antique. Et cette basilique, effectivement, est exceptionnelle parce qu'elle a été retrouvée pratiquement intacte dans les limites de la fouille. Et elle a livré surtout au niveau du cœur les restes de tombes, alors à la fois l'endroit où était l'autel, une memoria, donc qui rappelle la mémoire avec un culte des reliques, et puis donc deux tombeaux qui avaient été préservés et donc qui ont pu être fouillés donc par l'équipe de Manuel Moliner. Alors, est-ce qu'il s'agissait réellement de saints ? J'avais vu le bâtiment, c'était une sorte de mausolée en marbre avec un décor, on va dire, en forme de lierre. Il y avait une sorte de gouttière pour y poser les huiles coulant sur le monument. Elles devenaient saintes, c'est un peu tout ça. Visiblement, des pratiques assez compliquées au niveau des rituels. Ce sont des pratiques compliquées que l'on connaît surtout d'ailleurs dans le monde byzantin, c'est-à-dire dans la partie orientale de ce qui était l'Empire, parce qu'il y a finalement assez peu de conservation, que ce soit en Provence ou ailleurs, de ces rites de l'Antiquité tardive. On fait passer l'huile sur les corps saints et donc on sanctifie cette huile, on s'en sert ensuite. Ça, c'est quelque chose qui effectivement nous interpelle et donne une connaissance nouvelle de ce christianisme de l'Antiquité tardive. C'est vrai que donc c'est quelque chose de relativement exceptionnel. Philippe Mélinan, quel est l'élément majeur de l'histoire de la ville revendiquée par les Marseillais ? Le fait identitaire, je dirais, bien sûr, les Grecs, ou peut-être même la peste de 1720 ? Alors la ville de Marseille a vécu durant sa longue histoire de nombreux moments forts. Le fait identitaire revendiqué, s'il y en a un, on peut considérer que c'est peut-être la fondation de la ville, puisque la fondation par les phocéens est encore quelque chose d'extrêmement présent, au moins dans le vocabulaire, puisque la cité phocéenne est sur toutes les lèvres. L'Olympique de Marseille, encore une référence au monde grec, même si d'autres clubs ont la même référence. Et puis aussi dans les architectures de l'hôpital Caroline sur l'île du Frioul, où on a encore, à travers le temps, quelques références comme ça qui reviennent régulièrement à la plus haute antiquité de la ville. La peste, moment très sombre, 1720, une véritable catastrophe liée bien sûr aux relations orientales de Marseille. Lié au commerce, hein, puisque c'est le bateau d'un échevin de Marseille, donc un des représentants de la municipalité, qui va finalement apporter la peste à Marseille. Donc moment très difficile, effectivement, qui va durer sur plusieurs années, puisqu'il y aura des rechutes autour de 1720, et une population qui va donc chuter considérablement. Ça avait déjà été le cas autour de 1347-48, hein, avec ce qu'on appelle la peste noire en plein Moyen-Âge, mais c'est là encore quelque chose de très important et qui dépasse d'ailleurs Marseille, puisque c'est toute la Provence qui va être touchée par cette peste dite de 1720. Et fouillée bien sûr par les archéologues, ils ont retrouvé les fosses, les squelettes et même quelquefois une petite aiguille que l'on glissait entre l'ongle pour voir si le mort était bien mort. L'archéologie, c'est aussi à Marseille par exemple la fouille d'entreprises de savon. L'archéologie à Marseille, c'est une archéologie qui s'est concentrée longtemps sur la période grecque, la période romaine, mais qui ensuite a redécouvert le Moyen-Âge, l'époque moderne et maintenant le XIXe siècle. Et puis c'est aussi les années 1680 avec un superbe jeu de paume qui vient d'être fouillé et qui fut par la suite, je dirais, le berceau de notre Marseillaise. Ce bâtiment était assez mal conservé ces dernières années. Et c'est là effectivement qu'ont été écrites les paroles de la Marseillaise. Donc il y a eu une opération de réhabilitation pour en faire le musée de la Marseillaise. À cette occasion-là, une opération d'archéologie du bâti a été conduite et on a retrouvé les restes du jeu de pommes. Alors ce sont des salles de jeux qui étaient assez fréquentes dans les villes à l'époque moderne, mais que l'on a en général détruites puisque ce jeu de pommes n'est plus pratiqué. Maintenant, on a les courts de tennis qui remplacent finalement ce jeu de pommes. On avait à Marseille également d'autres jeux. On avait le jeu de mailles, par exemple. Il y avait un petit et un grand jeu de mailles. Il y avait comme ceci, donc dans toutes ces villes, finalement, des lieux qui ont souvent disparu, mais que là, on a pu conserver et mettre en valeur. «